Chapitre 165. Pleurer humblement en passant près des lieux où les injustes furent enterrés et décimés, en craignant de subir leur sort, et se méfier surtout d'y rester indifférent. 955. D'après Ibn Omar, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en arrivant à Al-Hijr, la terre du peuple de Thamoud, dit à ses compagnons « Ne traversez pas les ruines de ceux qui ont subi la colère divine sans pleurer. Si vous ne pleurez pas, alors n'y allez pas, au risque de subir le même sort qu'eux. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, en passant près d'Al-Hijr, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit à ses compagnons « Ne traversez pas l'endroit où vivaient ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes, à moins de le faire en pleurant, de peur de subir le même sort qu'eux. » Puis le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, se couvrit le visage de son voile et accéléra le pas jusqu'à ce qu'il dépasse la vallée.